Chapitre 4 Algistravos. Dimitri redescendut vers Athènes. Le moine remonta vers ses abeilles. Nos nouveaux maîtres nous poussèrent dans un sentier qui conduisait au camp de leur roi. Madame Simon fit acte d'indépendance en refusant de mettre un pied devant l'autre. Les brigands la menacèrent de la porter dans leurs bras. Elle déclara qu'elle ne se laisserait pas porter. Mais sa fille la rappela à des sentiments plus doux, en lui faisant espérer qu'elle trouverait la table mise et qu'elle déjeunerait avec Agistravos. Marie-Anne était plus surprise qu'épouvantée. Les brigands subalternes qui venaient de nous arrêter avaient fait preuve d'une certaine courtoisie. Ils n'avaient fouillé personne, et ils avaient tenu les mains loin de leur prisonnière. Au lieu de nous dépouiller, ils nous avaient prié de nous dépouiller nous-mêmes. Ils n'avaient pas remarqué que ces dames portaient des pendants d'oreilles, et ils ne les avaient même pas invités à ôter leurs gants. Nous étions donc bien loin de ces routiers d'Espagne et d'Italie qui coupent un doigt pour avoir une bague et arrachent le lobe de l'oreille pour prendre une perle ou un diamant. Tous les malheurs dont nous étions menacés se réduisaient au paiement d'une rançon. Encore était-il probable que nous serions délivrés gratis. Comment supposer qu'Agistravos nous retiendrait impunément à 5 lieues de la capitale, de la cour, de l'armée grecque, d'un bataillon de Sa Majesté britannique et d'un stationnaire anglais. Ainsi raisonnait Marie-Anne. Pour moi, je pensais involontairement à l'histoire des petites filles de Mystra, et je me sentais gagné de tristesse. Je craignais que Madame Simon, par son obstination patriotique, n'exposât sa fille à quelque grand danger, et je me promettais de l'éclairer au plus tôt sur sa situation. Nous marchions un à un dans un sentier étroit, séparés les uns des autres par nos farouches compagnons de voyage. La route me paraissait interminable, et je demandais plus de 10 fois si nous n'étions pas bientôt arrivés. Le paysage était affreux. La roche nue laissait à peine échapper par ses crevasses un petit buisson de chêne vert ou une touffe de thym épineux qui s'accrochait à nos jambes. Les brigands victorieux ne manifestaient aucune joie, et leur marche triomphale ressemblait à une promenade funèbre. Ils fumaient silencieusement des cigarettes grosses comme le doigt. Aucun d'eux ne causait avec son voisin. Un seul psalmodiait de temps en temps une sorte de chanson nasillarde. Ce peuple est lugubre comme une ruine. Sur les 11 heures, un aboiement féroce nous annonça le voisinage du camp. 10 ou 12 chiens énormes, grands comme des veaux, frisés comme des moutons, se ruèrent sur nous, en montrant toutes leurs dents. Nos protecteurs les reçurent à coups de pierre, et après un quart d'heure d'hostilité, la paix se fit. Ces monstres inhospitaliers sont les sentinelles avancées du roi des montagnes. Ils flairent la gendarmerie comme les chiens des contrebandiers flairent la douane. Mais ce n'est pas tout, et leur zèle est si grand qu'ils croquent de temps à autre un berger inoffensif, un voyageur égaré, ou même un compagnon d'Agistravos. Le roi les nourrit, comme les vieux sultans entretenaient leurs janissaires, avec la crainte perpétuelle d'être dévorés. Le camp du roi était un plateau de 700 ou 800 mètres de superficie. Jubaud y cherchait les tentes de nos vainqueurs. Les brigands ne sont pas des sybarites, et ils dorment sous le soleil au 30 avril. Je ne vis ni dépouilles entassées, ni trésors étalés, ni rien de ce qu'on espère trouver au chef-lieu d'une bande de voleurs. Agistravos se charge de faire vendre le butin. Chaque homme reçoit sa paye en argent et l'emploie à sa fantaisie. Les uns font des placements dans le commerce, les autres prennent hypothèque sur des maisons d'Athènes. D'autres achètent des terrains dans leur village. Aucun ne gaspille les produits du vol. Notre arrivée interrompit le déjeuner de 25 ou 30 hommes qui accoururent à nous avec leur pain et leur fromage. Le chef nourrit ses soldats. On leur distribue tous les jours une ration de pain, d'huile, de vin, de fromage, de caviar, de piment, d'olives amères et de viande quand la religion le permet. Les gourmets qui veulent manger des mauves ou d'autres herbages sont libres de cueillir des friandises dans la montagne. Les brigands, comme les autres classes du peuple, allument rarement du feu pour leur repas. Ils mangent les viandes froides et les légumes crus. Je remarquai que tous ceux qui se serraient autour de nous observaient religieusement la loi d'abstinence. Nous étions à la veille de l'Ascension, et ces braves gens dont le plus innocent avait au moins un homme sur la conscience, n'auraient pas voulu charger leur estomac d'une cuisse de poulet. Arrêter deux Anglaises au bout de leur fusil leur semblait une peccadille insignifiante. Madame Simon avait péché bien plus gravement en mangeant de l'agneau le mercredi de l'Ascension. Les hommes de notre escorte régalèrent copieusement la curiosité de leurs camarades. On les accabla de questions, et ils répondirent à tout. Ils étalèrent le butin qu'ils avaient fait, et ma montre d'argent obtint encore un succès qui flatta mon amour-propre. La savonnette d'or de Marie-Anne fut moins remarquée. Dans cette première entrevue, la considération publique tomba sur ma montre, et il en rejaillit quelque chose sur moi. Aux yeux de ces hommes simples, le possesseur d'une pièce si importante ne pouvait être qu'un milord. La curiosité des brigands était agaçante, mais non pas insolente. Aucun d'eux ne faisait mine de nous traiter en pays conquis. Ils savaient que nous étions dans leurs mains et qu'ils nous échangeraient tôt ou tard contre un certain nombre de pièces d'or. Mais ils ne songeaient pas à se prévaloir de cette circonstance pour nous malmener ou nous manquer de respect. Le bon sens, ce génie impérissable du peuple grec, leur montrait en nous les représentants d'une race différente, et jusqu'à un certain point supérieure. La barbarie victorieuse rendait un secret hommage à la civilisation vaincue. Plusieurs d'entre eux voyaient pour la première fois l'habit européen. Ceux-là tournaient autour de nous comme les habitants du Nouveau Monde autour des Espagnols de Colombo. Ils tâtaient furtivement l'étoffe de mon paletot pour savoir de quel tissu elle était faite. Ils auraient voulu pouvoir m'ôter tous mes vêtements pour les examiner en détail. Peut-être même n'auraient-ils pas été fâchés de me casser en deux ou trois morceaux pour étudier la structure intérieure d'un milord. Mais je suis sûr qu'ils ne l'eussent pas fait sans s'excuser et sans me demander pardon de la liberté grande. Madame Simon ne tarda pas à perdre patience. Elle s'ennuyait d'être examinée de si près par ces mangeurs de fromage qui ne lui offraient point à déjeuner. Tout le monde n'aime pas à se donner en spectacle. Le rôle de curiosité vivante déplaisait fort à la bonne dame, quoiqu'elle eût pu le remplir avantageusement dans tous les pays du globe. Quant à Marie-Anne, elle tombait de fatigue. Une course de 6 heures, la faim, l'émotion, la surprise avaient eu bon marché de cette créature délicate. Figurez-vous une jeune miss élevée dans la ouate, habituée à marcher sur les tapis des salons ou sur le raie grasse des plus beaux parcs. Ses bottines étaient déjà déchirées par les aspérités du chemin, et les buissons avaient frangé le bas de sa robe. Elle avait pris du thé la veille, dans les salons de la Légation d'Angleterre, en feuilletant les admirables albums de M. Wise. Elle se voyait transportée sans transition au milieu d'un paysage affreux et d'une horde de sauvages, et elle n'avait pas la consolation de se dire « c'est un rêve », car elle n'était ni couchée, ni assise, mais debout, au grand désespoir de ses petits pieds. Une nouvelle troupe survint, qui rendit notre position intolérable. Ce n'était pas une troupe de brigands, c'était bien pis. Les Grecs portent sur eux toute une ménagerie de petits animaux agiles, capricieux, insaisissables, qui leur tiennent compagnie nuit et jour, les occupent jusque dans le sommeil, et par leurs bonds et leurs piqûres accélèrent le mouvement des esprits et la circulation du sang. Les puces des brigands, dont je puis vous montrer quelques échantillons dans ma collection entomologique, sont plus rustiques, plus fortes et plus agiles que celles des citadins. Le grand air a des vertus si puissantes. Mais je m'aperçus trop tôt qu'elles n'étaient pas contentes de leur sort, et qu'elles trouvaient plus de régal sur la peau fine d'un jeune Allemand que sur le cuir tanné de leur maître. Une émigration armée se dirigea sur mes jambes. Je sentis d'abord une vive démangeaison autour des chevilles. C'était la déclaration de guerre. 10 minutes plus tard, une division d'avant-garde se jeta sur le mollet droit. J'y portai vivement la main. Mais à la faveur de cette diversion, l'ennemi s'avançait à marche forcée vers mon aile gauche et prenait position sur la hauteur du genou. J'étais débordé, et toute résistance devenait inutile. Si j'avais été seul dans un coin écarté, j'aurais tenté avec quelque succès la guerre d'escarmouche. Mais la belle Marie-Anne était devant moi, rouge comme une cerise, et tourmentée peut-être aussi par quelque ennemi secret. Je n'osais ni me plaindre, ni me défendre. Je dévorais héroïquement mes douleurs sans lever les yeux sur Miss Simon. et je souffrais pour elle un martyre dont on ne me saura jamais gré. Enfin, à bout de patience, et décidé à me soustraire par la fuite au flot montant des invasions, je demandai à comparaître devant le roi. Ce mot rappela nos guides à leur devoir. Ils demandèrent où était Hadjistravos. On leur répondit qu'il travaillait dans ses bureaux. « Enfin, dit Madame Simon, je pourrais donc m'asseoir dans un fauteuil. » Enfin, elle prit mon bras, offrit le sien à sa fille, et marcha d'un pas délibéré dans la direction où la foule nous conduisait. Les bureaux n'étaient pas bien loin du camp, et nous y fûmes en moins de 5 minutes. Les bureaux du roi ressemblaient à des bureaux comme le camp des voleurs ressemblait à un camp. On n'y voyait ni table, ni chaise, ni mobilier d'aucune sorte. Hadjistravos s'était assis en tailleur, sur un tapis carré, à l'ombre d'un sapin. 4 secrétaires et 2 domestiques se groupaient autour de lui. Un jeune garçon de 16 à 18 ans s'occupait incessamment à remplir, à allumer et à nettoyer le tchibouk du maître. Il portait à la ceinture un sac à tabac, brodé d'or et de perles fines, et une pince d'argent destinée à prendre les charbons. Un autre serviteur passait la journée à préparer les tasses de café, les verres d'eau et les sucreries destinées à rafraîchir la bouche royale. Les secrétaires, assis accrus sur le rocher, écrivaient sur leurs genoux avec des roseaux taillés. Chacun d'eux avait apporté de la main une longue boîte de cuivre contenant les roseaux, le canif et l'écritoire. Quelques cylindres de fer blanc, pareils à ceux où nos soldats roulent leurs congés, servaient de dépôt des archives. Le papier n'était pas indigène, et pour cause. Chaque feuille portait le mot « bat » en majuscule. Le roi était un beau vieillard, merveilleusement conservé, droit, maigre, souple comme un ressort, propre et luisant comme un sabre neuf. Ses longues moustaches blanches pendaient sous le menton comme 2 stalactites de marbre. Le reste du visage était scrupuleusement rasé, le crâne nu jusqu'à l'occiput, où une grande tresse de cheveux blancs s'enroulait sous le bonnet. L'expression de ses traits me parut calme et réfléchie. Une paire de petits yeux bleu clair et un menton carré annonçaient une volonté inébranlable. Sa figure était longue, et la disposition des rides l'allongeait encore. Tous les plis du front se brisaient par le milieu et semblaient se diriger vers la rencontre des sourcils. 2 sillons larges et profonds descendaient perpendiculairement à la commissure des lèvres, comme si le poids des moustaches eût entraîné les muscles de la face. J'ai vu bon nombre de septuagénaires. J'en ai même disséqué un, qui aurait attrapé la centaine si la diligence d'Onasbrook ne lui eût passé sur le corps. Mais je ne me souviens pas d'avoir observé une vieillesse plus verte et plus robuste que celle d'Hadjistravos. Il portait l'habit de Tino et de toutes les îles de l'archipel. Son bonnet rouge formait un large pli à sa base autour du front. Il avait la veste de drap noir, soutachée de soie noire, l'immense pantalon bleu qui absorbe plus de 20 mètres de cotonnade, et les grandes bottes en cuir de Russie, souples et solides. La seule richesse de son costume était une ceinture brodée d'or et de pierreries, qui pouvait valoir 2 ou 3 000 francs. Elle enserrait dans ses plis une bourse de cachemire brodée, un kandjiar de Damas dans un fourreau d'argent, un long pistolet monté en or et en rubis, et la baguette assortissante. Immobile au milieu de ses employés, Hadjistravos ne remuait que le bout des doigts et le bout des lèvres, les lèvres pour dicter sa correspondance, les doigts pour compter les grains de son chapelet. C'était un de ces beaux chapelets d'ambre laiteux qui ne servent point à chiffrer des prières, mais à amuser l'oisiveté solennelle des Turcs. Il leva la tête à notre approche, devina d'un coup d'œil l'accident qui nous amenait, et nous dit avec une gravité qui n'avait rien d'ironique « Vous êtes les bienvenus, asseyez-vous. »« Monsieur, cria Madame Simon, je suis anglaise et... » Il interrompit le discours en faisant claquer sa langue contre les dents de sa mâchoire supérieure, des dents superbes en vérité. « Tout à l'heure, dit-il, je suis occupé. » Il n'entendait que le grec, et Madame Simon ne savait que l'anglais. Mais la physionomie du roi était si parlante que la bonne dame comprit aisément sans le secours d'un interprète. Nous prîmes place dans la poussière. 15 ou 20 brigands s'accroupirent autour de nous, et le roi, qui n'avait point de secret à cacher, dicta paisiblement ses lettres de famille et ses lettres d'affaires. Le chef de la troupe qui nous avait arrêtés vint lui donner un avis à l'oreille. Il répondit d'un ton hautain. « Qu'importe, quand le Miller comprendrait. Je ne fais rien de mal, et tout le monde peut m'entendre. Va t'asseoir. Toi, Spiro, écris « C'est à ma fille ». » Il se moucha fort adroitement dans ses doigts et dicta d'une voix grave et douce. « Mes chers yeux, ma chère enfant, la maîtresse de pension m'a écrit que ta santé était raffermie et que ce méchant rhume était parti avec les jours d'hiver. Mais on n'est pas aussi content de ton application, et l'on se plaint que tu n'étudies plus guère depuis le commencement du mois d'avril. Madame Mavros dit que tu deviens distraite, et que l'on te voit accoudée sur ton livre, les yeux en l'air, comme si tu pensais à autre chose. Je ne saurais trop te dire qu'il faut travailler assidûment. Suis les exemples de toute ma vie. Si je m'étais reposé, comme tant d'autres, je ne serais pas arrivé au rang que j'occupe dans la société. Je veux que tu sois digne de moi, et c'est pourquoi je fais de si grands sacrifices pour ton éducation. Tu sais si je t'ai jamais refusé les maîtres ou les livres que tu m'as demandés. Mais il faut que mon argent profite. Le Walter Scott est arrivé au Pirée, ainsi que le Robinson et tous les livres anglais que tu as témoigné le désir de lire. Fais-les prendre à la douane par nos amis de la rue d'Hermès. Tu recevras par la même occasion le bracelet que tu demandais et cette machine d'acier pour faire bouffer les jupes de tes robes. Si ton piano de Vienne n'est pas bon, comme tu me le dis, et qu'il te faille absolument un instrument de Pleyel, tu l'auras. Je ferai un ou deux villages après la vente des récoltes, et le diable sera bien malin si je n'y trouve pas la monnaie d'un joli piano. Je pense comme toi que tu as besoin de savoir la musique. Mais ce que tu dois apprendre avant tout, c'est les langues étrangères. Emploie tes dimanches de la façon que je t'ai dit, et profite de la complaisance de nos amis. Il faut que tu sois en état de parler le français, l'anglais et surtout l'allemand, car enfin tu n'es pas faite pour vivre dans ce petit pays ridicule, et j'aimerais mieux te voir morte que mariée à un grec. Fille de roi, tu ne peux épouser qu'un prince. Je ne dis pas un prince de contrebande, comme tous nos fanouriotes qui se vantent de descendre des empereurs d'Orient, et dont je ne voudrais pas pour mes domestiques, mais un prince régnant et couronné. On en trouve de fort convenables en Allemagne, et ma fortune me permet de t'en choisir un. Si les Allemands ont pu venir régner chez nous, je ne vois pas pourquoi tu n'irais pas régner chez eux à ton tour. Hâte-toi donc d'apprendre leur langue, et dis-moi dans ta prochaine lettre que tu as fait des progrès. Sur ce, mon enfant, je t'embrasse bien tendrement, et je t'envoie avec le trimestre de ta pension mes bénédictions paternelles. » Madame Simon se pencha vers moi et me dit à l'oreille, « Est-ce notre sentence qu'il dicte à ces brigands ?» Je répondis, « Non, madame, il écrit à sa fille. À propos de notre capture ? À propos de piano, de crinoline et de Walter Scott ? Cela peut durer longtemps. Va-t-il nous inviter à déjeuner ? Voici déjà son domestique qui nous apporte des rafraîchissements. » Le café de J du roi se tenait devant nous avec trois tasses à café, une boîte de ra'at loukoum et un pot de confiture. Madame Simon et sa fille rejetèrent le café avec dégoût, parce qu'il était préparé à la turque et un trouble comme une bouillie. Je vidai ma tasse en vrai gourmet de l'Orient. Les confitures, qui étaient du sorbet à la rose, n'obtinrent qu'un succès d'estime, parce que nous étions forcés de les manger tous trois avec une seule cuillère. Les délicats sont malheureux dans ce pays de bonhomie. Mais le ra'at loukoum, découpé en morceaux, flatta le palais de ces dames sans trop choquer leurs habitudes. Elles prirent à belle main cette gelée d'amidon parfumé et vidèrent la boîte jusqu'au fond, tandis que le roi dictait la lettre suivante. « Mrs. Airlay et compagnie, 31 Cavendish Square, à Londres. J'ai vu par votre honoré du 5 avril et le compte courant qui l'accompagne que j'ai présentement 22 750 livres sterling à mon crédit. Il vous plaira placer ces fonds, moitié en 3% anglais, moitié en actions du crédit immobilier, avant que le coupon soit détaché. Vendez mes actions de la Banque Royale Britannique. C'est une valeur qui ne m'inspire plus autant de confiance. Prenez-moi en échange des omnibus de Londres. Si vous trouvez 15 000 livres de ma maison du Stand, elle les valait en 1852, vous m'achèterez de la vieille montagne pour une somme égale. Envoyez chez les frères Raleigh, 100 guinées, 2645 francs, c'est ma souscription pour l'école hellénique de Liverpool. J'ai pesé sérieusement la proposition que vous m'avez fait l'honneur de me soumettre, et après mûre réflexion, j'ai résolu de persister dans ma ligne de conduite et de faire les affaires exclusivement au comptant. Les marchés à terme ont un caractère aléatoire qui doit mettre en défiance tout bon père de famille. Je sais bien que vous n'exposeriez mes capitaux qu'avec la prudence qui a toujours distingué votre maison. Mais quand même les bénéfices dont vous me parlez seraient certains, j'éprouverais, je l'avoue, une certaine répugnance à léguer à mes héritiers une fortune augmentée par le jeu, agréée, etc. Signé Hadji Stravos, propriétaire. Est-il question de nous, me dit Marianne? Pas encore, mademoiselle. Sa Majesté aligne des chiffres. Des chiffres ici? Je croyais qu'on n'en faisait que chez nous. Monsieur, votre père n'est-il pas l'associé d'une maison de banque? Oui, de la maison Barley et compagnie. Y a-t-il deux banquiers du même nom à Londres? Pas que je sache. Avez-vous entendu dire que la maison Barley et compagnie fit des affaires avec l'Orient? Mais avec le monde entier. Et vous habitez Cavendish Square? Non, il n'y a que les bureaux. Notre maison est en Piccadilly. Merci, mademoiselle. Permettez-moi d'écouter la suite. Ce vieillard a une correspondance des plus attachantes. Le roi dicta, sans désemparer, un long rapport aux actionnaires de sa bande. Ce curieux document était adressé à M. Georges Micromati, officier d'ordonnance au palais, pour qu'il en donnât lecture dans l'Assemblée générale désintéressée. Compte rendu des opérations de la Compagnie nationale du roi des montagnes, exercice 1855-56. Camp du roi, 30 avril 1856. Messieurs, le gérant que vous avez honoré de votre confiance vient aujourd'hui pour la 14e fois soumettre à votre approbation le résumé de ses travaux de l'année. Depuis le jour où l'acte constitutif de notre société fut signé en l'étude de maître Stabspas, notaire royal à Athènes, jamais notre entreprise n'a rencontré plus d'obstacles. Jamais la marche de nos travaux n'a été entravée par de plus sérieuses difficultés. C'est en présence d'une occupation étrangère, sous les yeux de deux armées, sinon hostiles, au moins malveillantes, qu'il a fallu maintenir le jeu régulier d'une institution éminemment nationale. Le Pirée envahi militairement, la frontière de Turquie surveillée avec une jalousie qui n'a pas de précédent dans l'histoire, ont restreint notre activité dans un cercle étroit et imposé à notre zèle des limites infranchissables. Dans cette zone rétrécie, nos ressources étaient encore réduites par la pénurie générale, la rareté de l'argent, l'insuffisance des récoltes. Les oliviers n'ont pas tenu ce qu'ils promettaient. Le rendement des céréales a été médiocre, et la vigne n'est pas encore délivrée de l'odium. Dans ces circonstances, il était bien difficile de profiter de la tolérance des autorités et de la douceur d'un gouvernement paternel. Notre entreprise est liée si étroitement aux intérêts du pays qu'elle ne peut fleurir que dans la prospérité générale, et qu'elle ressent le contre-coup de toutes les calamités publiques, car à ceux qui n'ont rien, on ne prend rien, ou peu de choses. Les voyageurs étrangers, dont la curiosité est si utile au royaume et à nous, ont été fort rares. Les touristes anglais, qui composaient autrefois une branche importante de notre revenu, ont manqué totalement. Deux jeunes Américains arrêtés sur la route du Pentélique nous ont fait tort de leur rançon. Un esprit de défiance alimenté par quelques gazettes de France et d'Angleterre écarte de nous les gens dont la capture nous serait utile. Et cependant, messieurs, telle est la vitalité de notre institution, qu'elle a mieux résisté à cette crise fatale que l'agriculture, l'industrie et le commerce. Vos capitaux, confiés en mes mains, ont profité, non pas autant que je l'aurais voulu, mais beaucoup mieux que personne ne pouvait l'espérer. Je n'en dirai pas plus long. Je laisse parler les chiffres. L'arithmétique est plus éloquente que Démosthène. Le capital social, limité d'abord au chiffre modeste de 50 000 francs, s'est élevé à 120 000 par trois émissions successives d'actions de 500 francs. Nos recettes brutes du 1er mai 1855 au 30 avril 1856 se montent à la somme de 261 482 francs. Nos dépenses se divisent comme il suit. Dîmes payées aux églises et monastères, 26 148. Intérêt du capital au taux légal de 10%, 12 000. Soldes et nourritures de 80 hommes à 650 francs l'un, 52 000. Matériel, armes, etc., 7 056. Réparation de la route de Thèbes, qui était devenue impraticable et où l'on ne trouvait plus de voyageurs à arrêter, 2 540. À reporter, 99 744. Report, 99 744. Frais de surveillance sur les grands chemins, 5 835. Frais de bureau, 3. subvention de quelques journalistes, 11 900. Encouragement à divers employés de l'ordre administratif et judiciaire, 18 000. Total, 135 482. Si l'on déduit cette somme du chiffre brut de nos recettes, on trouve un bénéfice de 126 000. Conformément au statut, cet excédent est réparti comme il suit. Fonds de réserve déposé à la Banque d'Athènes, 6 000. Tiers attribué au gérant, 40 000. À partager entre les actionnaires, 80 000, soit 333 francs 33 par action. Ajoutez à ces 333 francs 33, 50 francs d'intérêt et 23 francs de fonds de réserve, et vous aurez un total de 408 francs 33 par action. Votre argent est donc placé à près de 82%. Tels sont, messieurs, les résultats de la dernière campagne. Jugez maintenant de l'avenir qui nous est réservé le jour où l'occupation étrangère cessera de peser sur notre pays et sur nos opérations. Le roi dicta ce rapport sans consulter de notes, sans hésiter sur un chiffre et sans chercher un mot. Je n'aurais jamais cru qu'un vieillard de son âge pût avoir la mémoire aussi présente. Il apposa son cachet au bas des trois lettres. C'est sa manière de signer. Il lit couramment, mais il n'a jamais trouvé le temps d'apprendre à écrire. Charlemagne et Alfred le Grand étaient, dit-on, dans le même cas. Tandis que les sous-secrétaires d'État s'occupaient à transcrire sa correspondance du jour pour la disposer aux archives, il donna audience aux officiers subalternes, qui étaient revenus avec leur détachement dans la journée. Chacun de ces hommes s'asseyait devant lui, le saluait en appuyant la main droite sur le cœur, et faisait son rapport en peu de mots, avec une concision respectueuse. Je vous jure que Saint-Louis, sous son chêne, n'inspirait pas une vénération plus profonde aux habitants de Vincennes. Le premier qui se présenta fut un petit homme de mauvaise mine, vraie figure de cour d'assises. C'était un insulaire de Corfou, poursuivi pour quelques incendies. Il avait été le bienvenu, et ses talents l'avaient fait monter en grade. Mais son chef et ses soldats le tenaient en médiocre estime. On le soupçonnait de détourner à son profit une partie du butin. Or le roi était intraitable sur le chapitre de la probité. Lorsqu'il prenait un homme en faute, il l'expulsait ignominieusement et lui disait avec une ironie accablante « Va te faire magistrat !» Agistravos demanda au Corfiot « Qu'as-tu fait ?»« Je me suis rendu avec mes 15 hommes au ravin des Hirondelles, sur la route de Thèbes. J'ai rencontré un détachement de la ligne, 25 soldats. Où sont leurs fusils ?»« Je les leur ai laissés, tout fusil à piston qui ne nous aurait pas servi faute de capsule. »« Bon, ensuite ?» C'était jour de marché, j'ai arrêté ceux qui revenaient. Combien ? 142 personnes. Et tu rapportes ? 1006 francs 43 centimes. 7 francs par tête, c'est peu. C'est beaucoup, des paysans. Ils n'avaient donc pas vendu leurs denrées ? Les uns avaient vendu, les autres avaient acheté. Le Corfiot ouvrit un sac pesant qu'il portait sous le bras. Il en répandit le contenu devant les secrétaires, qui se mirent à compter la somme. La recette se composait de 30 ou 40 piastres mexicaines, de quelques poignées de zwanzig autrichiens et d'une énorme quantité de billons. Quelques papiers chiffonnés se poursuivaient au milieu de la monnaie. « Tu n'as pas de bijoux ?» demanda le roi. « Non. » « Il n'y avait donc pas de femme ?»« Je n'ai rien trouvé qui valût la peine d'être rapporté. »« Qu'est-ce que je vois à ton doigt ?»« Une bague. »« En or ?»« Ou en cuir, je n'en sais rien. »« D'où vient-elle ?» Je l'ai achetée il y a 2 mois. Si tu l'as achetée, tu saurais si elle est en cuivre ou en or. Donne-la. » Le Corfiot se dépouilla de mauvaise grâce. La bague fut immédiatement encaissée dans un petit coffre plein de bijoux. « Je te pardonne, dit le roi, en faveur de ta mauvaise éducation. Les gens de ton pays déshonorent le vol en y mêlant la friponnerie. Si je n'avais que des Ioniens dans ma troupe, je serais obligé de faire mettre des tourniquets sur le chemin, comme aux portes de l'exposition de Londres, pour compter les voyageurs et recevoir l'argent. À un autre. » Celui qui vint ensuite était un gros garçon, bien portant, de la physionomie la plus avenante. Ses yeux ronds, à fleur de tête, respiraient la droiture et la bonhomie. Ses lèvres entr'ouvertes laissaient voir à travers leur sourire 2 rangées de dents magnifiques. Il me séduisit au premier coup d'œil, et je me dis que, s'il s'était fourvoyé en mauvaise compagnie, il ne manquerait pas de rentrer un jour ou l'autre dans le bon chemin. Ma figure lui plut aussi, car il me salua très poliment avant de s'asseoir devant le roi. Agistravos lui dit « Qu'as-tu fait, mon Vasil ? Je suis arrivé hier soir avec mes 6 hommes à Pigadia, le village du sénateur Zambellis. Bien. Zambellis était absent comme toujours, mais ses parents, ses fermiers et ses locataires étaient tous chez eux et couchés. Bien. Je suis entré au khan. J'ai réveillé le kanji. Je lui ai acheté 25 bottes de paille et pour paiement, je l'ai tué. Bien. Nous avons porté la paille au pied des maisons, qui sont toutes en planches ou en osier, et nous avons mis le feu en 7 endroits à la fois. Les allumettes étaient bonnes, le vent venait du nord, tout a pris. Bien. Nous nous sommes retirés doucement vers les puits. Tout le village s'est éveillé à la fois en criant. Les hommes sont venus avec leurs seaux de cuir pour chercher de l'eau. Nous en avons noyé 4 que nous ne connaissions pas. Les autres se sont sauvés. Bien. Nous sommes retournés au village. Il n'y avait plus personne qu'un enfant oublié par ses parents et qui criait comme un petit corbeau tombé du nid. Je l'ai jeté dans une maison qui brûlait et il n'a plus rien dit. Bien. Alors nous avons pris des tisons et nous avons mis le feu aux oliviers. La chose a bien réussi. Nous nous sommes remis en route vers le camp. Nous avons soupé et couché à moitié chemin. Et nous sommes rentrés à 9 heures, tous bien portants, sans une brûlure. Bien. Le sénateur Zambellis ne fera plus de discours contre nous, à un autre. Vasile se retira en me saluant aussi poliment que la première fois. Mais je ne lui rendis pas son salut. Il fut aussitôt remplacé par le grand diable qui nous avait pris. Par un singulier caprice du hasard, le premier auteur du drame où j'étais appelé à jouer un rôle se nommait Sophoclis. Au moment où il commença son rapport, je sentis quelque chose de froid couler dans mes veines. Je suppliai Madame Simon de ne pas risquer une parole imprudente. Elle me répondit qu'elle était anglaise et qu'elle savait se conduire. Le roi nous pria de nous taire et de laisser la parole à l'orateur. Il étala d'abord les biens dont il nous avait dépouillés, puis il tira de sa ceinture 40 ducats d'Autriche, qui faisait une somme de 470 francs, au cours de 11 francs 75. Les ducats, dit-il, viennent du village de Castia. Le reste m'était donné par les Milords. Tu m'avais dit de battre les environs, j'ai commencé par le village. Tu as mal fait, répondit le roi. Les gens de Castia sont nos voisins. Il fallait les laisser. Comment vivrons-nous en sûreté si nous faisons des ennemis à notre porte? D'ailleurs, ce sont de braves gens qui peuvent nous donner un coup de main à l'occasion. Oh, je n'ai rien pris aux charbonniers. Ils ont disparu dans les bois sans me laisser le temps de leur parler. Mais le parèdre avait la goutte. Je l'ai trouvé chez lui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai demandé de l'argent. Il a soutenu qu'il n'en avait pas. Je l'ai enfermé dans un sac avec son chat. Et je ne sais pas ce que le chat lui a fait. Mais il s'est mis à crier que son trésor était derrière la maison sous une grosse pierre. C'est là que j'ai trouvé les ducats. Tu as eu tort, le parèdre ameutera tout le village contre nous. Oh non, en le quittant, j'ai oublié d'ouvrir le sac, et le chat doit lui avoir mangé les yeux. À la bonne heure. Mais entendez bien tous, je ne veux pas qu'on inquiète nos voisins. Retire-toi. Notre interrogatoire allait commencer. Algistravos, au lieu de nous faire comparaître devant lui, se leva gravement et vint s'asseoir à terre auprès de nous. Cette marque de déférence nous parut d'un favorable augure. Madame Simon se mit en devoir de l'interpeller de la bonne sorte. Pour moi, prévoyant trop bien ce qu'elle pourrait dire, et connaissant l'intempérance de sa langue, j'offris au roi mes services en qualité d'interprète. Il me remercia froidement et appela le corfiote qui savait l'anglais. « Madame, dit le roi à Mistress Simon, vous semblez courroucée. Auriez-vous à vous plaindre des hommes qui vous ont conduite ici ? C'est une horreur, dit-elle. Vos coquins m'ont arrêté, jeté dans la poussière, dépouillé, exténué et affamé. Veuillez agréer mes excuses. Je suis forcé d'employer des hommes sans éducation. Croyez, madame, que ce n'est pas sur mes ordres qu'ils ont agi ainsi. Vous êtes anglaise ? Anglaise de Londres. Je suis allé à Londres. Je connais et j'estime les Anglais. Je sais qu'ils ont bon appétit. Et vous avez pu remarquer que je me suis empressé de vous offrir des rafraîchissements. Je sais que les dames de votre pays n'aiment pas à courir dans les rochers, et je regrette qu'on ne vous ait pas laissé marcher à votre pas. Je sais que les personnes de votre nation n'emportent en voyage que les effets qui leur sont nécessaires, et je ne pardonnerai pas à Sophoclis de vous avoir dépouillé, surtout si vous êtes une personne de condition. J'appartiens à la meilleure société de Londres. Daignez reprendre ici l'argent qui est à vous. Vous êtes riche ? Assurément. Ce nécessaire n'est-il pas de vos bagages ? Il est à ma fille. Reprenez également ce qu'est à mademoiselle votre fille. Vous êtes très riche, très riche. Ces objets n'appartiennent-ils point à monsieur votre fils ? Monsieur n'est pas mon fils, c'est un Allemand. puisque je suis anglaise, comment pourrais-je avoir un fils allemand ? C'est trop juste. Avez-vous bien 20 000 francs de revenus ? Davantage. Un tapis à ces dames. Êtes-vous donc riche à 30 000 francs de rente ? Nous avons mieux que cela. Sophocle est un manant que je corrigerai. Logothète dit qu'on prépare le dîner de ces dames. Serait-il possible, madame, que vous fussiez millionnaire ? Je le suis. Et moi, je suis confus de la manière dont on vous a traité. Vous avez assurément de belles connaissances à Athènes. Je connais le ministre d'Angleterre, et si vous vous étiez permis... Oh, madame, vous connaissez aussi des commerçants, des banquiers ? Mon frère, qui est à Athènes, connaît plusieurs banquiers de la ville. J'en suis ravi. Sophocle vient ici. Demande pardon à ces dames. Sophocle marmotta entre ses dents, et je ne sais quelle excuse. Le roi reprit. Ces dames sont des Anglaises de distinction. Elles ont plus 1 million de fortune. Elles sont reçues à l'ambassade d'Angleterre. Leur frère, qui est à Athènes, connaît tous les banquiers de la ville. À la bonne heure, s'écria madame Simon. Le roi poursuivit. Tu devrais traiter ces dames avec tous les égards dus à leur fortune. Bien, dit madame Simon. Les conduire ici doucement. Pourquoi faire, murmura Marie-Anne. Et t'abstenir de toucher à leurs bagages. Lorsqu'on a l'honneur de rencontrer dans la montagne 2 personnes du rang de ces dames, on les salue avec respect, on les amène au camp avec déférence, on les garde avec circonspection, et on leur offre poliment toutes les choses nécessaires à la vie, jusqu'à ce que leur frère ou leur ambassadeur nous envoie une rançon de 100 000 francs. Pauvre madame Simon, chère Marie-Anne, elle ne s'attendait ni l'une ni l'autre à cette conclusion. Pour moi, je n'en fus pas surpris. Je savais à quel rusé coquin nous avions affaire. Je pris hardiment la parole et je lui dis à brûle-pourpoint. Tu peux garder ce que tes hommes m'ont volé, car c'est tout ce que tu auras de moi. Je suis pauvre, mon père n'a rien. Mes frères mangent souvent leur pain sec. Je ne connais ni banquier ni ambassadeur. Et si tu me nourris dans l'espoir d'une rançon, tu en seras pour tes frais, je te le jure. Un murmure d'incrédulité s'éleva dans l'auditoire, mais le roi parut me croire sur parole. S'il en est ainsi, me dit-il, je ne ferai pas la faute de vous garder ici malgré vous. J'aime mieux vous renvoyer à la ville. Madame vous confiera une lettre pour monsieur son frère, et vous partirez aujourd'hui même. Si cependant vous aviez besoin de rester un jour ou deux dans la montagne, je vous offrirai l'hospitalité, car je suppose que vous n'êtes pas venu jusqu'ici avec cette grande boîte pour regarder le paysage. Ce petit discours me procura un soulagement notable. Je promenai autour de moi un regard de satisfaction. Le roi, ses secrétaires et ses soldats me parurent beaucoup moins terribles. Les rochers voisins me semblèrent plus pittoresques depuis que je les envisageais avec les yeux d'un hôte et non d'un prisonnier. Le désir que j'avais de voir Athènes se calma subitement, et je me fis à l'idée de passer 2 ou 3 jours dans la montagne. Je sentais que mes conseils ne seraient pas inutiles à la mère de Marie-Anne. La bonne dame était dans un état d'exaltation qui pouvait la perdre. Si par aventure elle s'obstinait à refuser la rançon, avant que l'Angleterre vînt à son secours, elle avait le temps d'attirer quelques malheurs sur une tête charmante. Je ne pouvais m'éloigner d'elle sans lui raconter, pour sa gouverne, l'histoire des petites filles de Mystra. Que vous dirais-je encore ? Vous savez ma passion pour la botanique ? La flore du Parnasse est bien séduisante à la fin d'avril. On trouve dans la montagne 5 ou 6 plantes aussi rares que célèbres. Une surtout, la Boriana varia illis, découverte et baptisée par M. Boris de Saint-Vincent. Devais-je laisser une telle lacune dans mon herbier et me présenter au muséum de Hambourg sans la Boriana varia illis ? Je répondis au roi. J'accepte ton hospitalité, mais à une condition. Laquelle ? Tu me rendras ma boîte. Eh bien, soit. Mais à une condition aussi. Voyons. Vous me direz à quoi elle vous sert. Que cela ne tienne. Elle me sert à loger les plantes que je recueille. Et pourquoi cherchez-vous des plantes ? Pour les vendre ? Fi donc, je ne suis pas un marchand, je suis un savant. Il me tendit la main et me dit avec une joie visible. J'en suis charmé. La science est une belle chose. Nos aïeux étaient savants. Nos petits-fils le seront peut-être. Quant à nous, le temps nous a manqué. Les savants sont très estimés dans votre pays ? Infiniment. On leur donne de belles places ? Quelquefois. On les paye bien ? Assez. On leur attache de petits rubans sur la poitrine ? De temps en temps. Est-il vrai que les villes se disputent à qui les aura ? Cela est vrai en Allemagne. Et qu'on regarde leur mort comme une calamité publique ? Assurément. Ce que vous dites me fait plaisir. Ainsi, vous n'avez pas à vous plaindre de vos concitoyens. Bien au contraire, c'est leur libéralité qui m'a permis de venir en Grèce. Vous voyagez à leurs frais ? Depuis 6 mois. Vous êtes donc bien instruit. Je suis docteur. Y a-t-il un grade supérieur dans la science ? Non. Et combien compte-t-on de docteurs dans la ville que vous habitez ? Je ne sais pas au juste, mais il n'y a pas autant de docteurs à Hambourg que de généraux à Athènes. Oh oh ! Je ne priverai pas votre pays d'un homme si rare. Vous retournerez à Hambourg, monsieur le docteur. Que dirait-on là-bas si l'on apprenait que vous êtes prisonnier dans nos montagnes ? On dirait que c'est un malheur. Allons, plutôt que de perdre un homme tel que vous, la ville de Hambourg fera bien un sacrifice de 15 000 francs. Reprenez votre boîte, courez, cherchez, herborisez et poursuivez le cours de vos études. Pourquoi ne remettez-vous pas cet argent dans votre poche ? Il est à vous et je respecte trop les savants pour les dépouiller. Mais votre pays est assez riche pour payer sa gloire. Heureux jeune homme, vous reconnaissez aujourd'hui combien le titre de docteur ajoute à votre valeur personnelle. Je n'aurais pas demandé 1 centime de rançon si vous aviez été un ignorant comme moi. Le roi n'écouta ni mes objections ni les interjections de Madame Simon. Il leva la séance et nous montra du doigt notre salle à manger. Madame Simon y descendit en protestant qu'elle dévorerait le repas, mais qu'elle ne payerait jamais la carte. Marie-Anne semblait fort abattue. Mais telle était la mobilité de la jeunesse, qu'elle poussa un cri de joie en voyant le lieu de plaisance où notre couvert était mis. C'était un petit coin de verdure enchâssé dans la roche grise. Une herbe fine et serrée formait le tapis. Quelques massifs de troène et de laurier servaient de tenture et cachaient les murailles à pic. Une belle voûte bleue s'étendait sur nos têtes. 2 vautours au long col qui planaient dans l'air semblaient avoir été suspendus pour le plaisir des yeux. Dans un coin de la salle, une source limpide, comme le diamant, se gonflait silencieusement dans sa coupe. Dans un coin de la salle, une source limpide, comme le diamant, se gonflait silencieusement dans sa coupe rustique, se répandait par-dessus les bords et roulait en nappe argentée sur le revers glissant de la montagne. De ce côté, la vue s'étendait à l'infini vers le fronton du Pentélique, le gros palais blanc qui règne sur Athènes, les bois d'oliviers sombres, la plaine poudreuse, le dos grisonnant de l'Hymette, arrondi comme l'échine d'un vieillard, et cet admirable golfe saronique, si bleu qu'on dirait un lambeau tombé du ciel. Assurément, Madame Simon n'avait pas l'esprit tourné à l'admiration, et pourtant elle avoua que le loyer d'une vue si belle coûterait cher à Londres ou à Paris. La table était servie avec une simplicité héroïque. Un pain bis, cuit au four de campagne, fumait sur le gazon et saisissait l'odorat par sa vapeur capiteuse. Le lait caillé tremblait dans une jatte de bois. Les grosses olives et les piments verts s'entassaient sur des planchettes mal équarries. Une outre velue gonflait son large ventre auprès d'une coupe de cuivre rouge naïvement ciselée. Un fromage de brebis reposait sur le linge qui l'avait pressé et dont il gardait encore l'empreinte. 5 ou 6 laitues appétissantes nous offraient une belle salade, mais sans aucun assaisonnement. Le roi avait mis à notre disposition son argenterie de campagne, consistant en cuillères sculptées à coups de couteau, et nous avions pour surcroît de luxe la fourchette de nos 5 doigts. On n'avait pas poussé la tolérance jusqu'à nous servir de la viande, mais en revanche le tabac doré d'Almiros me promettait une admirable digestion. Un officier du roi était chargé de nous servir et de nous écouter. C'était ce hideux Corfiotte, l'homme à la bague d'or, qui savait l'anglais. Il découpa le pain avec son poignard et nous distribua de tout à pleine main, en nous priant de ne rien ménager. Madame Simon, sans perdre un coup de dent, lui lança quelques interrogations hautaines. « Monsieur, lui dit-elle, est-ce que votre maître a cru sérieusement que nous lui paierons une rançon de 100 000 francs ?»« Il en est sûr, madame. » C'est qu'il ne connaît pas la nation anglaise. Il la connaît bien, madame, et moi aussi. À Corfou, j'ai fréquenté plusieurs Anglais de distinction, des juges. Je vous en fais mon compliment. mais dites à ce Stravos de s'armer de patience, car il attendra longtemps les 100 000 francs qu'il s'est promis. Il m'a chargé de vous dire qu'il les attendrait jusqu'au 15 mai, à midi juste. Et si nous n'avons pas payé le 15 à midi, il aura le regret de vous couper le cou, ainsi qu'à mademoiselle. Marie-Anne laissa tomber le pain qu'elle portait à sa bouche. « Donnez-moi à boire un peu de vin, dit-elle. » Le brigand lui tendit la coupe pleine, mais à peine y eut-elle trempé ses lèvres qu'elle laissa échapper un cri de répugnance et d'effroi. La pauvre enfant s'imagina que le vin était empoisonné. Je la rassurai en vidant la coupe d'un seul trait. « Ne craignez rien, lui dis-je, c'est la résine. »« Quelle résine ?»« Le vin ne se conserverait pas dans les outres si l'on y ajoutait une certaine dose de résine, qui l'empêche de se corrompre. Ce mélange ne le rend pas agréable, mais vous voyez qu'on le boit sans danger. » Malgré mon exemple, Marie-Anne et sa mère se firent à portée de l'eau. Le brigand courut à la source et revint en 3 enjambées. « Vous comprenez, mesdames, dit-il en souriant, que le roi ne ferait pas la faute d'empoisonner des personnes aussi chères que vous. » Il ajouta en se tournant vers moi. « Vous, monsieur le docteur, j'ai ordre de vous apprendre que vous avez 30 jours pour terminer vos études et payer la somme. Je vous fournirai ainsi qu'à ces dames tout ce qu'il faut pour écrire. »« Merci, dit madame Simon. Nous y penserons dans 8 jours, si nous ne nous sommes pas délivrés. »« Et par qui, madame ?»« Par l'Angleterre. Elle est loin. » »« Ou par la gendarmerie. » »« C'est la grâce que je vous souhaite. En attendant, désirez-vous quelque chose que je puisse vous donner ?»« Je veux d'abord une chambre à coucher. » »« Nous avons près d'ici des grottes qu'on appelle les étables. Vous y seriez mal. » On y a mis des moutons pendant l'hiver, et l'odeur en est restée. Je ferai prendre 2 tentes chez les bergers d'en bas, et vous camperez ici, jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Je veux une femme de chambre. Rien n'est plus facile. Nous hommes descendrons dans la plaine et arrêterons la première paysanne qui passera, si toutefois la gendarmerie le permet. Il me faut des vêtements, du linge, des serviettes de toilette, du savon, un miroir, des peignes, des odeurs, un métier à tapisserie, un... « C'est beaucoup de choses, madame, et pour vous trouver tout cela, nous serions forcés de prendre Athènes. Mais on fera pour le mieux. Comptez sur moi et ne comptez pas trop sur les gendarmes. »« Que Dieu ait pitié de nous, » dit Marianne. Un écho vigoureux répondit. « Kyrie Eleison !» C'était le bon vieillard qui venait nous faire une visite et qui chantait en marchant pour se tenir en haleine. Il nous salua cordialement, déposa sur l'herbe un vase plein de miel et s'assit auprès de nous. « Prenez et mangez, nous dit-il. Mes abeilles vous offrent le dessert. » Je lui serrai la main. Madame Simon et sa fille se détournèrent avec dégoût. Elles s'obstinaient à voir en lui un complice des brigands. Le pauvre bonhomme n'avait pas tant de malice. Il ne savait que chanter ses prières, soigner ses petites bêtes, vendre sa récolte, encaisser les revenus du couvent et vivre en paix avec tout le monde. Son intelligence était bornée, sa science nulle, sa conduite innocente comme celle d'une machine bien réglée. Je ne crois pas qu'il sût distinguer clairement le bien du mal, et qu'il mît une grande différence entre un voleur et un honnête homme. Sa sagesse consistait à faire 4 repas tous les jours et à se tenir prudemment entre 2 vins, comme le poisson entre 2 eaux. C'était d'ailleurs un des meilleurs moines de son ordre.